la la la la la la. Tous ces vives farandoles, fa la la la la la la la la. Neige de la nuit divine, fa la la la la la la la la. Tombe, tourne et tourbillonne, fa la la la la la la la la. Les étoiles chantent et brillent, fa la la la la la la la la. Au firmament qui scintille, fa la la la la la la la la. Un doux sauveur nous est donné, fa la la la la la la la la. Les étoiles chantent et brillent, fa la la la la la la la la.